Na epai na yo oya mbanga ane mari nanga na koko misa botoli nanga wana ya kote atonyo me oya mbanga na esengo mama na Diana ebolingo ya bomo ikwa lobiko otianga malasi to bala na lelo yo na kati ya ndako ya Nzambe banguna bayoki kele lokola basambwe yo botuli Anne Maria mwana mama Sofia olingo ekokola na bala ya mamelo molongani nanga kitoko na yo ya si sirene Inspecteur Malala, inspecteur Bola, commandant Matobo, Roger Mbunga, Serge Wello, Alain Koutoula, Mimi Ikumbelinga. Anne Marie, Amia Angèle, Namela Yoloko la Maya, Vino ya Sambo, Yosili Sanga Masumu Maso Malouwa, Meke. Nangana komi na suka unawe Yale o mama, sheri na ngango Kanga mote malaba eba ingaka Yaka lelo yo, pembeni nanga Nasua yo, lokola sirene wanga Rabaka songo pa omika sama Va vite à partir à Sabé. Tikala bisa mi balena mokili Tikala damu ngai eva Sala mokili asika toko tabana Alfa shakwe Chipsa nanani Nei wama Yo jamba moka Le roi de pièces rares Lamentation et lo baboye Rien ne peut se faire sur cette terre Rien ne peut se faire souverain mon Rien ne peut se faire ma louvaka Rien ne peut se faire ma mokile yanze Sanke zamazala kolo no yo yo yo yo Toya kana mokile mama mama mama oh. Basusu ma beze basusu ma kolo mama Mere Jose Chane yona motuka Nicole Kasongo Impératrice Wiva, maison de français, Yukumeli Napolineo, Jean-Jacques Ntikou, Roger Lino. Olingo nangaye, okomi konyo kolongaye, motema nangaye, lopinzoli nalakopu faye, na epayi na yo, nazali loko na fulolo, kwema mwa mama, kitoko na yo, biju ya talo. Mama, Bolanga.